الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. J'aimerais aujourd'hui lire un passage du livre de l'imam Ibn Qayyim رحمه الله تعالى qui s'appelle Al-Fawaid. Un passage qu'il a nommé Qa'ida Jalila, dans lequel il explique la différence des gens dans la connaissance de la voix des croyants et de la voix des criminels. Il a fait un beau tafsil quand je lisais la Fa'ida, et j'ai vu qu'il était bon de la traduire d'une façon résumée, et s'il y a moyen de faire un petit commentaire dessus. Car elle s'adapte tout à fait avec ce dans quoi beaucoup d'entre nous sommes aujourd'hui, ou sont aujourd'hui. Et ce sera une bab tambih wa nasiha lana, en guise de conseil pour nous et de mise en attention. فيقول رحمه الله تعالى قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. Dans le sens où il dit, et c'est de cette façon que nous détaillons les versets afin que t'apparaisse la voie des criminels. La criminelle, ça peut être pris dans le sens des koufars, ou dans le sens des gens des passions, ou dans les gens d'Abida, les gens du faux. وقال ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. Et celui qui fait scission avec le messager après que la guidée lui soit parvenue, et qui suit une voie autre que celle des croyants, nous le délaissons comme il s'est détourné. La voix des croyants dans ce verset est souvent interprétée par la voix des sahaba et ceux qui les ont suivis sur la bonne guidée. والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة. Donc Allah dans son livre a clarifié et a bien détaillé la voie des croyants, tout comme il a bien clarifié et détaillé la voie des gens du faux, des criminels. وعاقبتها أولئك مفصلة وعاقبتها أولئك مفصلة. Il a donné également la rétribution de chacun de façon détaillée, des gens du bien et des gens du mal. وأعمالها أولئك وأعمالها أولئك. Également les œuvres de chacun, les a toutes détaillées. Quelles sont les œuvres des gens du bien, quelles sont les œuvres des gens du mal. وأولياءها أولئك وأولياءها أولئك. Et qui sont les alliés de chacun. Pour connaître qui sont les alliés des gens du bien, qui sont les alliés des gens du mal. وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء. Également, de quelle façon il a abandonné les gens du mal, de quelle façon il a accordé la réussite aux gens du bien. والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء. Et les causes par lesquelles les gens du bien ont reçu la réussite et les causes par lesquelles les gens du mal ont été abandonnés. Pourquoi? وَجَلَى سُبْحَانَا الْأَمْرَيْنِ وَجَلَى سُبْحَانَا الْأَمْرَيْنِ فِي كِتَابِهِ وَكَشَفَهُمَا وَأَوْضَحَهُمَا وَبَيَّنَهُمَا غَيَةَ الْبَيَانِ حَتَّى شَاهَدَتْهُمَا الْبَصَائِرُ كَمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ لِلضِّيَاءِ وَالظُّلَامِ. Donc Allah Azza wa Jal les a bien dévoilés, les a bien clarifiés, les a bien éclaircis de la meilleure façon, de sorte que toute clairvoyance, ou plutôt que chacun que cela apparaisse, tout comme on peut distinguer entre la lumière et les ténèbres. Non. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية. Donc ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal et qui connaissent son livre et sa religion ont connu la voie des croyants de façon détaillée. Ils ont également connu la voie des gens du mal de façon détaillée. واستبانت لهم سبيلا كما يستبين لسالك الطريق الموصل الى مقصوده والطريق الموصل الى الهلكه. Et que les deux voies leur sont apparues aussi clairement que l'on peut distinguer entre la voie qui mène un bon objectif et ce qui mène vers la perte. Le bon chemin, le mauvais. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم. وهم الأدلة الهدى. Il a dit ces gens-là, c'est-à-dire qui ont connu les deux voies, ce sont les gens les plus savants de la création, les gens les plus utiles pour les gens et les meilleurs conseillers et les indicateurs de vers la guidée. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. C'est pour cela que les Sahaba sont distingués de tous ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire ils sont meilleurs qu'eux, et cela est clairement un pari pour tout le monde. فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة. Pourquoi? Car ces gens-là de base, les Sahaba, ils ont en premier lieu été sur la voie de l'égarement, de la mécréance et de l'association. Ils étaient sur les voies qui menaient vers la perte. Donc ils ont connu en détail ces voies-là. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم فخرجوا من الظلمات الشديدة إلى النور التام من الشرك للتوحيد من الجهل للعلم من الغي إلى الرشاد ومن الظلم إلى العدل. Donc il a dit après le Nabi صلى الله عليه وسلم justement leur est venu et les a sortis de ces ténèbres vers la voie de la guidée et vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin droit. Et il les a sortis des ténèbres vers la lumière complète. Et du shirk vers le tawhid. Il les a sortis de l'ignorance vers le savoir. Et de l'égarement vers la droiture. Ainsi que de l'injustice vers la justice. Wa min hayrat al-'umma wa al-'amana ila al-huda wa al-basa'ir. Et il les a sortis également de l'égarement et, je sais pas comment on dirait, de l'obscurité ou l'aveuglement, non, on dirait comme ça, vers la guidée et la clairvoyance. فَعَرَفُوا مِقْدَارْ مَا نَالُهُ وَزَفِرُوا بِهِ وَمِقْدَارْ مَا كَانُوا فِيهِ فَيْنَ الدِّدَّ يَظْهَرُوا وَيُزِرُوا حُسْنَهُ الدِّدُّ. Donc là, ils ont su la valeur de ce qui leur a été accordé, de ce dont ils ont été gratifiés comme bien. Également, ils ont su la valeur de la voie qui suivait auparavant, le mal sur lequel ils étaient. Car, on va dire qu'une chose n'apparaît, le bien d'une chose n'apparaît qu'en connaissance de son opposé. Le bien d'une chose n'apparaît qu'en connaissance de son opposé. Donc, comme ils ont connu la jahiliya, ils ont bien compris ce qu'était l'islam. Donc, les choses n'apparaissent que par leur opposé. On ne connaît une chose que par son opposé. Par exemple, le shirk, on connaît, ou plutôt le tawhid, on connaît en connaissant le shirk. Le bien, en le connaissant, on le connaît en ayant connu le mal. Erre les alika. Fazdadu rahbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilayhi wa nafratan wa burdan lima intaqalu anhu wa kanu ahabba an-nas fi at-tawhid wal-iman wal-islam wa ba'd an-nas fi ziddihi alimina bis-sabil ala tafsil. Donc ces gens-là, cela leur a ajouté encore plus de motivation et d'amour pour la voie vers laquelle ils se sont dirigés. Et cela leur a accordé encore plus de dégoût et de détestation de la voie de laquelle ils sont sortis. A dit le mal. Et ils sont les gens qui aiment le plus le tawhid et la foi à l'islam. Ils sont les gens qui détestent le plus ceux qui s'y opposent. Et qui connaissent le sentier à suivre de façon détaillée. أما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين. Et par contre, les gens qui sont venus après les Sahaba, les autres générations, parmi eux, ceux qui ont évolué sur l'islam et qui n'ont pas connu le détail de l'opposé de l'islam. Cela leur a causé une confusion dans certains détails, justement. C'est-à-dire, ils ont certaines choses du mal ne leur ont pas été, ne leur sont pas apparues, clairement. Elles n'ont pas été assimilées. فَإِنَّ اللِّبْسِ إِنَّمَا يَقَعْ إِذَا ذَعُفَ الْعِلْمِ بِالسَّبِيلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا. Car là, cette confusion, elle a lieu lorsqu'il y a une faiblesse dans la connaissance, justement, des deux sentiers, celui du bien, celui du mal. C'est là que la confusion apparaît. Or, sur l'un des deux. Soit tu connais un des sentiers et pas l'autre. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض غراء الإسلام غورة غورة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. Il a dit justement que l'islam se défait nœud par nœud, pour celui qui a évolué sur l'islam et qui n'a pas connu la jahiliya. Pour celui qui est sur l'islam et qui n'a pas connu ce que c'était la jahiliya. وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف به أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية فإنها منسوبة إلى الجهل وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل. Donc il a dit, celui qui n'a pas connu la jahiliya, et la jahiliya c'est quoi? C'est tout ce que, qui s'oppose à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il y a eu avant l'islam. Que ce soit l'islam général ou l'islam relatif à chaque personne. La jahiliya, de façon générale, c'est tout ce qui est avant l'islam. Et chaque personne, d'accord, par rapport à lui de façon relative, il a eu sa jahiliya à lui. Mais la jahiliya dans l'ensemble n'existe plus. Car l'islam est venu. Mais une personne qui n'a pas connu l'islam, elle avait sa jahiliya à elle. Ou une personne qui était, on va dire, qui n'était pas sur l'istiqama, elle avait sa jahiliya à elle, sa part de jahiliya à elle, qui lui est propre. Mais la période de jahiliya en elle-même, elle est finie. Donc toute personne qui était sur une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de la foi, était sur une jahiliya. فَمَنْ لَمْ يَعْلِفْ سَبِيلِ الْمُجْرِمِينَ وَلَمْ تَسْتَبِينَ لَهُ وَتُسْتَبَينَ لَهُ تَسْتَبِينَ لَهُ نعم أو شك أن يظن في بعض السبيلهم أنها أو أنها من سبيل المؤمنين كما وقع في يد الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل. Donc celui qui n'a pas connu la voie des gens du faux, elle ne sera pas, elle ne va pas lui apparaître. Et lui, il est probable qu'il se mette à croire que certaines choses qui fait partie de la voie des gens du faux fait partie de la voie des croyants. Il n'arrivera pas à distinguer. Il va y avoir des choses chez les gens du faux en pensant que ces choses-là sont parmi les choses de la voie des croyants. Car il n'a pas connu cela dans le passé de façon détaillée. Parmi les choses de la voie des koufars et des ennemis des messagers. أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها. Il va les rentrer dans les choses, il va les rentrer dans la voie des croyants en pensant qu'elle en fait partie, il va appeler les, il va y appeler les gens. D'accord, ils vont prendre des choses de la jahiliya, il va dire qu'elles font partie de l'islam, de la voie des croyants, et il va appeler les gens à s'y affilier et à les suivre. وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. Donc tu vas voir ces gens qui vont rentrer des choses du faux dans l'islam, comme cela s'est produit chez la plupart des gens de l'innovation, parmi les Jahmiya, les Qadariya, les Khawarij et autres, les Khawarawafid, qu'ils se mettent à combattre et à excommunier toute personne qui s'oppose justement à ces voies qu'ils ont ajoutées à celle de l'islam et qui n'en fait pas partie. Ils les prennent en opposant, ils les prennent en adversité. قال والناس في هذا الموضع أربعة فروق. Donc il dit les gens dans cette question sur les quatre catégories. Quatre catégories. الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا وهؤلاء أعلم الخلق. Donc la première catégorie sont des gens qui eux ont connu la voie des croyants ainsi que la voie des criminels de façon détaillée avec science. Par la science et par les œuvres. Ceux-là sont les gens les plus savants qui existent. Ils distinguent bien entre les deux. Ils connaissent bien les deux. Quand ils voient une chose qui est liée à la voie des croyants, ils le savent. Et quand ils voient une chose qui est liée aux gens du mal, ils le savent. Al-filqa al-thaniya man amiyat anhu al-sabilan min ajbah al-an'am wa ha'ula bisabil mujrimin akhdar wa laha aslak. Après, il y a ceux qui n'ont connu aucune des deux voies, ni celle des croyants, ni celle des mujrimines, et ceux-là sont des gens qui ressemblent aux bestiaux. Et en réalité, ceux-là, ces gens-là sont plus proches de la voie des gens du faux. Al-firqa al-thalitha, troisième catégorie. Man sarafa inayatuhu ila ma'rifat sabil al-mu'minin dun diddaha. Fa huwa ya'rifu diddaha min haythu al-jumla wal-mukhalafa. Wa anna kull ma kharafa sabil al-mu'minin fa huwa batil. Wa lam tasawwarhu ala tafsil. Donc troisième catégorie, ce sont des gens qui se sont juste axés sur la connaissance de la voie des croyants, sans prendre conscience de l'existence de l'autre voie, celle des criminels. Donc lui, il va connaître la voie des criminels de façon, on va dire, globale, comme ça. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qui va s'opposer à la voie des croyants, ce sera du faux. Même s'il ne sait pas le détail qui en découle. بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. Par exemple, si c'est quelqu'un qui voit une chose, il va entendre une chose qui s'oppose à la voie des croyants, il ne va pas y porter attention, il ne va pas s'en préoccuper à la comprendre pour savoir quel est le faux, quel est le côté faux de cette chose-là. Il va même pas y prêter attention. وبمنزلة من سلمت نفسه من إرادات الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعوه إليها نفسه بخلاف الفرقة الأولى. Donc lui, il est l'exemple d'une personne qui aurait été épargnée des désirs, d'accord, et qui n'y pense même pas, et qui n'en est pas attiré. Il n'a pas de shahawat. قال بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها لتركها لله. Contrairement à la première catégorie, ceux qui ont bien connu les deux voies, eux, ils ont connu les choses du mal et les ont voulu, les ont désirées. Cependant, ils font l'effort sur eux-mêmes de les repousser et de les délaisser pour Allah Azzawajal. Car ils ont connu c'est quoi le mal. Donc ils ont encore des choses du passé. D'accord? Qui les attirent, qu'ils connaissent, malgré cela, ils combattent leur nefs pour les repousser, et cela pour Allah Azza wa Jal. وَقَدْ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ خَطَّابِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيِّهُمَا أَفْضَلُ. Et Umar ibn Khattab a été interrogé dans cette question. Qui des deux est meilleur? Celui qui n'a pas de shahawat et qui n'y pense même pas. Et celui qui a des envies, mais qui les délaisse. Elles viennent à l'esprit, mais les délaisse. Fakataba Omar, inna allazi tashtahi nafsuhu al-ma'asi wa yatrukuha lillah azza wa jal, min al-thumma qaraqa Allah azza wa jal, allazi namtahana Allah kulubahum littaqwa, lahum ma'firatun wa ajrun azim. Donc Omar, razi ranou, il a dit ceux qui ont des désirs, des choses qui les attirent, des choses mauvaises, parmi les désobéissances, mais qui les délaissent pour Allah subhanahu wa ta'ala, font partie de ceux dont Allah, dans le sens qu'il a dit, ceux dont Allah a éprouvé le cœur par la piété, par la crainte, ils auront un pardon et une récompense immense. Car ces gens-là, ils auront fait un effort sur eux. Une chose les attire et qu'ils veulent et qu'ils souhaitent, malgré cela, ils ne la délaissent. Et ça, c'est en réponse pour des gens qui, justement, se mettent dans l'istiqama, et qui, des fois, se disent, subhanallah, au fond de moi, j'ai envie de telle chose, de telle chose, de telle chose. Et ils se font du remords. Et ils s'en veulent. On leur dit non, justement. Cette chose-là, le fait que tu la délaisses, bien que tu y penses et que tu la connaisses, et que tu en sois attiré, mais que tu la délaisses pour Allah Azzawajal, cela est une chose qui est noble et louable. Et ta récompense sera décuplée pour cela, contrairement à celui qui n'a rien connu, qui n'en a pas envie. Il n'y pense pas qu'elle ne le connaît pas. Donc il a un effort moindre à faire sur lui-même, contrairement à celui qui a connu ces choses-là. وَكَذَا مَنْ عَرَفَ الْبِدَعْ وَالشِّرْكُ وَالْبَاطِلِ وَتُلُوكَهُ فَبَدَهَا اللَّهِ لِلَّهِ وَحَذِرَهَا وَحَذَرَ مِنْهَا وَدَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَدَعْهَا تَخْدِشَ وَجْهَ إِيمَانِهِ تَخْدِشَ وَجْهَ إِيمَانِهِ وَلَا تُرِثُهُ شُبْهَةً وَلَا شَكًّا. Non. Également celui qui a connu les innovations, le shirk et le batil, et qui a connu les voies qui y menaient, et qui les détestait pour Allah Azzawajal. Et qui s'en voit averti, qui a mis en garde contre elle. Et qui les a repoussés, et qui ne les a pas laissé, on va dire, égratigner sa foi, et ni de laisser dans l'ambiguïté ou de doute. بَلْ يَزْدَادُ بِمَعْلِفَتِهَا بَصِيرَةً فِي الْحَقِّ وَمَحَبَّةً لَهَا وَكَرَاهَةً لَهَا وَنَفْرَةً عَنْهَا. Et celui, au contraire, justement, en délaissant cela, il a eu encore plus de clairvoyance dans la vérité, et il a encore plus d'amour pour cette vérité. Et encore plus de répugnance pour ce faux. Et s'en est encore plus éloigné. Donc celui-là, qui a tout délaissé, qui a connu cela, qui a tout délaissé, il est meilleur que celui qui n'y a même pas pensé. Et là, l'auteur, il fait allusion de quelqu'un qui a connu ce mal, qui l'a délaissé, en faisant l'effort de connaître le bien, de façon détaillée. Naam. فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به. Donc à chaque fois qu'il voit une chose qui l'attire, qui est mauvaise, mais qui la délaisse, cela le fait encore plus aimer la vérité. Et encore plus aimer la religion. Et voir encore plus la valeur qu'elle a, et encore plus de joie d'y être affilié. فيقوى إيمانه به. Et donc là, sa foi s'en voit renforcée. كما أن صاحب خواتير الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورهبة فيه. وطلبا له وحرصا عليه. Comme celui qui a connu ce mal, lui, à chaque fois que ce mal lui est exposé, il s'enfuit encore plus. Et se rapproche encore plus de la vérité. Il fait encore plus d'efforts pour aimer la vérité. Pourquoi? Pour combattre cette chose qui est en lui. فَمَا ابْتَلَى اللَّهُ سُبْحَانَ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنِ بِمَحَبَّةِ الشَّهَوَاتِ وَالْمَعَاصِي وَمَيْلِ نَفْسِهِ إِلَيْهَا إِلَّا لِيَسُوقَهُ بِهَا إِلَى مَحَبَّةِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا وَخَيْرٌ لَهَا وَأَنْفَعُ وَأَدْوَمُ. Donc Allah Azza wa Jalla n'a pas éprouvé un croyant par l'amour des shahawat, des désirs et des désobéissances, et par l'attirance de ces choses-là, si ce n'est pour que le diriger vers ce qui est meilleur. Le croyant sincère, lorsqu'il aura envie d'une chose qui est haram, pour s'en débarrasser et pour s'en délier, il fera un effort pour s'accrocher encore plus à la vérité, ce qui va augmenter son amour pour cette vérité-là, car il en verra la valeur, et cela sera plus continu, plus régulier et plus utile pour lui. ولجاهد نفسها على تركها له سبحانه فتليسه تلك المجاهدة الموصل إلى المحبوب الأعلى. Donc Allah va lui donner la force de combattre son nefs pour délaisser cette chose-là. Et que ce combat qu'il va mener, justement, va lui apporter les moyens de pouvoir rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit le rejoindre, c'est obtenir son amour. Se rapprocher de lui. فكلما نزعت عنه نفسه الى تلك الشهوات واشتدت ارادته لها وسوقه اليها صرف ذلك السوق والاراده والمحبه الى النوع العالي الدائم. Donc là, il répète la même chose. فكان طلبه له اشد وحرصه عليه اتم بخلاف النفس البارده الخاليه من ذلك. Donc lui sera meilleur. Il fera plus d'efforts et aura plus de récompenses que celui qui n'aura pas connu cela. Les deux, ils ont du bien, mais ton oreille, il sera plus fort que l'autre. يقول ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم من مشى إليه راكبا على النجائب. Il a dit, il a fait une comparaison. Ne vois-tu pas que celui qui se dirige vers la chose qu'il aime en surmontant les choses pénibles comme le fait de marcher sur des braises ou sur des épines, que lui, il aura plus de valeur que celui qui va marcher vers la chose qu'il aime sur un chemin neutre et dégagé. Lequel des deux aura plus de valeur? Celui qui aura fait l'effort de combattre les choses mauvaises. C'est-à-dire le fait de marcher sur ce chemin tortueux démontre son amour encore plus grand que l'autre. Et qu'il ait fait encore plus d'efforts. Donc ça, c'était la troisième catégorie. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont connu la voie des croyants, mais sans s'être préoccupés de la connaissance de la voie des gens du mal. Et là, il va finir avec la firqa al-rabi'a, quatrième catégorie. Firqa arafat sabil al-shar wal-bida wal-kufr mufassalatan wa sabil al-mu'minin mujmalatan. Donc là, c'est la quatrième catégorie. Ce sont ceux qui, eux, par contre, ont connu la voie des gens du mal et du kufr de façon détaillée, mais ils n'ont connu la voie des croyants que de façon globale. C'est-à-dire qu'ils sont plus concentrés à connaître le faux que connaître le vrai. وذا حال كثير ممن يعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على تفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. Donc là, c'est le cas de ceux qui procurent trop de temps ou apportent trop d'importance aux paroles des autres et aux paroles des gens de la bid'a et des gens du faux. Et ils les connaissent de façon détaillée, les gens du kufr et autres. Mais ils ne connaissent pas la voie par laquelle est venu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils la connaissent de façon globale, comme ça. Masalem, c'est comme, tu vois, des gens, on en voit beaucoup des comme ça, qui vont te faire des synthèses, des analyses, un tas de paroles sur des choses qui sont fausses pour de vrai. Ils vont te parler sur le sionisme, ils vont te parler sur plein de choses, en détail, sur le complotisme et ceci et cela. En détail, ils connaissent tout. Mais quand tu regardes bien leur hal par rapport à la connaissance du tawhid de la sunna, ils sont loin, ils ne connaissent pas grand-chose. D'accord? Pour débattre sur une chose comme ça, par exemple, tu lui parles de l'histoire, tu lui parles par exemple de des croisades, des Nasara, il va tout citer les dates et tout. Et quand on parle des choses du tawhid de la sunna, il ne connaîtra rien du tout. Par exemple. Ou ton appareil, ils te font des analyses, ils disent musulmans, des analyses de paroles, par exemple, de rappeurs, les choses qui sont liées au satanisme, ils vont te faire un tas de détails, un tas de développements sur la question, et tu regardes bien, la sunna, il connaît rien du tout. Tawhid, il connaît rien du tout. La salat, il la connaît à peine. Mais ça, là-dessus, tu le vois, il est concentré. Et il sort tous les détails. Même des fois, ça va trop loin. Ou t'en es font pareil avec les politiques. On l'a vu également avec la Covid. Quand la Covid, elle est venue, les gens, ils étaient vraiment à fond investis dans la connaissance du complot qui se trame derrière. Et à côté de ça, ils étaient complètement distraits des choses plus importantes relatives à leur religion, à leurs croyances et à leurs obligations. فمن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سلكها لها وإذا تاب رجع عنها لسبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. Donc ceux qui ont passé trop de temps à lire ce genre de choses, à être concentrés sur les gens du faux, le jour où ils font tawbah, ils reviennent sur la vérité, ils n'auront pas la connaissance acquise qu'auront ceux qui étaient déjà là avant eux et qui ont passé leur vie à connaître la vérité. C'est-à-dire ils sont toujours en retard, en fait. Ils ont perdu trop de temps dans les choses qui leur étaient inutiles. À titre d'exemple, vous voyez également ces gens-là qui débattent avec les gens du livre, avec les Nansara, précisément. Ils connaissent leur Bible, tous les détails, tous les versets, les exégestes et tout. Et tu vois, dans le Coran, ils ne connaissent pas grand-chose. En langue arabe, ils ne connaissent pas grand-chose. En sunna, il connaît pas grand chose. Alors, quel est connaît pas grand chose? Quand il va débattre avec un chrétien, il va tout le sortir. Contradiction, verset, telle parole, tel et tel fait, en détail. Mais tu le ramènes sur la akida sahiha, tu verras que la personne n'est pas là. Il ne connaît pas grand chose. Ou voire même pire, il invente des choses. En faisant une comparaison avec ce qu'il connaît comme il a comme science du livre, des gens du livre, il fait des qiyas. On appelle ça des, comment on appelle déjà? Analogies. Les analogies, ce qui l'emmène à s'égarer et à se perdre. Pourquoi? Car il a connu la voie des criminels en détail, sans pourtant s'être concentré sur la voie des croyants en détail. Non. Donc en gros, voilà ce que l'auteur cite ici. L'importance de connaître en détail les deux voies, le juste milieu. Connaître la voie des croyants et celle qui s'y oppose en détail. Celui qui connaît la voie des croyants, et bah, pas celle des gens du faux en détail, c'est quelqu'un de bien également. Cependant, il aura, on va dire, un manque. Ou un manquement. Sa clairvoyance sera réduite. Et l'autre qui connaît la voix des gens du faux en détail, mais pas celle des croyants, lui également. Et lui sera peut-être amené à pouvoir s'égarer. Donc le but, c'est connaître les deux. L'islam appelle à connaître les deux. De connaître la voix des croyants de façon détaillée, et celle des criminels de façon détaillée, pour pouvoir faire le contrepoids, que ça fasse l'effet de contrebalance. Naam. Et c'était justement l'avantage que tu trouves chez beaucoup de gens qui étaient dans l'égarement auparavant, qui étaient dans leur jahiliya, soit dans le kufr, qui sont convertis, ou soit dans l'égarement, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine musulmane, mais jeunes, ils n'ont pas pratiqué, ils étaient comme les autres, comme les kuffars, puis ils sont repentis plus tard. Tu verras souvent, chez ce genre de personnes, un attachement plus fort, et souvent tu les verras rentrer sur la voie droite, sur la salafia. Regardez bien souvent ceux qui étaient des gens, qui étaient des délinquants ou des gens qui étaient loin, souvent quand ils reviennent dans l'islam, par conversion ou par repentir, ils se mettent sur la sunna. Ils ne viennent pas à des Rouen, des soufis ou des choses bizarres. Souvent ils reviennent vers la sunna, pourquoi? Pour avoir connu l'égarement en détail et pour désirer connaître la vérité en détail. Non. Et également, ce passage nous réconforte pour ceux qui ont des envies en eux, des attirances vers les choses mauvaises, par leur passé qu'ils ont connu, et qui s'envolent pour cela. On dit, il n'y a pas à s'en vouloir. Tu n'auras à t'en vouloir que si tu tombes dedans. Et que tu n'arrives pas à résister. Là, tu pourras t'en vouloir. Mais le fait que cela vienne, mais que tu repousses, cela t'accordera encore plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu vas combattre, et plus Allah te donnera la force de combattre. Mais il faut combattre. نعم هذا الذي رأينا اليوم بهذه المقالة فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك